Ergot Studio. Malamon qui se sous tout tranquillement. Dans vous le sommet. Original Soundboy. Hey. J'irai là où le son mène, là où le micro me traîne. Laissez un peu de moi-même sans dépise, par-ci par-là. On aurait ragamant, on file bien plus qu'une rime pour moi. Laisse-moi te dire poto le plus beau de tous mes combats. Là où le son mène, là où le micro me traîne. Laissez un peu de moi-même sans dépise, par-ci par-là. On aurait ragamant, on file bien plus qu'une rime pour moi. Laisse-moi te dire poto le plus beau de tous mes combats. Atteinte microphonie aiguë, malade des beats sans le mind, dépendance au beat et puis chacun sa route vers le marbre. Adolescent, je rêvais de sang sur des grandes scènes, mais c'est dans l'ombre que j'ai traîné ma silhouette de grand sec. Et c'est mieux comme ça, de toute façon je peux plus faire autrement. L'underground m'a pris dans ses bras, ça sert quand les autres te mentent. Ne fais pas de manière si tu viens manier. Je m'en bats les couilles de quoi t'as l'air, c'est mes oreilles que tu dois flatter. Reste cool sans le micro. Original pour pas sonner, malamant qui c'est saut. J'irai là où le son mène, là où le micro me traîne. Laissez un peu de moi-même sans dépise, par-ci par-là. On aurait ragamant, on file bien plus qu'une rime pour moi. Laisse-moi te dire poteau le plus beau de tous mes combats. Là où le son mène, là où le micro me traîne. Laissez un peu de moi-même sans dépise, par-ci par-là. On aurait ragamant, on file bien plus qu'une rime pour moi. Laisse-moi te dire poteau le plus beau de tous mes combats. J'traîne une belle bande de fous, on a tous oublié de grandir. Apeurés de voir nos parents creuser leurs trous sans rien dire. C'est rien dit, attends de voir ce que vivront nos enfants. Là c'est la merde, je doute que le futur soit meilleur que le présent. Apaisant comme un joie d'herbe, la musique omniprésente. Ragamuffin on représente, son ça s'envoie, y'en ne présente pas. École, boulot, de quoi devenir vieux et fou. Seuls les sous peuvent sauver nos vies moroses, mais non c'est faux. Information erronée, et puis sans nourrir. Ouais la source de nos malheurs, c'est leur course à la monnaie. Je reste loin de leurs carottes, MC continue de jouer le bonnet. Ton morceau c'est de la parlotte, vite comme la chanson de l'été. Je reste intégré, pas intégré, révolté, pas intégriste. Donc ne cherche pas l'intérêt, si tu viens partager la piste. Contre conneries déblatérées, sur les ondes à la télé. On vit témoin du mensonge, mais on continue d'avaler. Donc continuons, mais laissons-nous par ces bâtards se travailler. Plus rien ne m'étonne, surtout pas l'homme. J'ai bientôt 30 balais. J'irai là où le son mène. Bientôt 30 balais sur cette putain de planète. C'est original. J'irai là où le son mène, là où le micro me traîne. Laissez un peu de moi-même sans dépise, par-ci par-là. On aurait ragamant, on file bien plus qu'une rime pour moi. Laisse-moi te dire poteau le plus beau de tous mes combats. Là où le son mène, là où le micro me traîne. Laissez un peu de moi-même sans dépise, par-ci par-là. On aurait ragamant. On file bien plus qu'une rime pour moi. Laisse-moi te dire pour toi le plus beau de tous mes combats. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Les frères ont déjà fait le tour de la question. Beaucoup de plumes, choque l'opinion, juste quelques lignes de plus. Pour te rappeler que nous existons, je suis qu'un rappeur sans soumission, pas leader de la révolution. J'ai jamais eu la prétention de pouvoir embellir le monde. Jamais pensé que mon crayon remplirait l'assiette du diamant. D'ailleurs mes rimes me nourrissent pas, elles allègent mes pensées. Peut-être qu'elles ne te parlent pas, mais j'en ai besoin pour exister. Je peux avoir l'impact général ou la douceur d'une caresse. C'est quand je sens que tout va mal. Seule l'écriture m'apaise, elle ne fera pas tomber les murs. Surtout qu'on les construit seul, on s'enferme dans nos blessures. Par peur ou défaut d'orgueil, le monde est sale. Tenu par des hommes bien propres sur eux, la misère devenue banale. Comme un clochard qui meurt tout seul, comme un jour sans oseille. Tu crois t'y habituer, mais quand la monnaie mon aimant, beaucoup seraient prêts à te tuer. C'est ça le monde, que crois-tu contrôler? Tu disparais en une seconde si les puissants l'ont décidé. Là où le son mène, là où le micro me traîne. J'irai là où le son mène, là où le micro me traîne. Laissez un peu de moi-même sans dépise, par-ci par-là. On aurait ragamant, on file bien plus qu'une rime pour moi. Laisse-moi te dire pour toi le plus beau de tous mes combats. Là où le son mène, là où le micro me traîne. Laissez un peu de moi-même sans dépise, par-ci par-là. On aurait ragamant, on file bien plus qu'une rime pour moi. Laisse-moi te dire pour toi le plus beau de tous mes combats. Là où le son mène, là où le micro me traîne. Original Soundboy, a spécial dedication. Malamon qui c'est sous. Mais wicked hip hop family, you know. Ergot Studio. Osha one homme de l'ombre, inertie, bella aussi. Chante mi hip hop family. Hey, hey. MC Rim, cœur cool, l'homme vin, c'est là aussi. Respect to the maximum. MC Rim, l'homme vin. Madame Monkey, c'est sous. Ergot Studio.